Camarada, la jeunesse sous pression. Le son système tonne, que le système tombe. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à partir du Sous Pression Punk et enregistré live en direct à Ottawa, territoire algonquin. Moi je m'appelle Mathieu, je vais être avec vous pendant 60 minutes, faire jouer du Punk Sky Hardcore tout en français. On va commencer l'émission cette semaine avec quelque chose de nouveau, en tout cas nouveau pour moi. Pas trop nouveau, c'est sorti l'année passée, c'est du Pavas. Alors du punk rock, du Oi, de la France. Je vais faire jouer un morceau de leur un album éponyme. Je vais faire jouer le morceau Réveille-toi. Vraiment, vraiment bon, c'est catchy. Puis, ouais, c'est bon, c'est de la bonne Oi. Alors, c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire en ce moment, à part de voici du Pavas. Morceau Réveille-toi à sous pression. T'as bien raison, c'est le rôle d'Arrow. Pour lui défend ton bourreau. Grâce à lui, t'achèteras ton bandeau. Pour aller la voir. chacun pour soi. Qu'importe si tu te relèves pas. Alors mec, saisis-toi. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On a commencé le dernier bloc avec du Pavas de leur album éponyme. C'était le morceau Réveille-toi. Après ça, La Cavale, un premier extrait de leur plus récent album qui va sortir dans une couple de semaines. L'album s'appelle, ou va s'appeler, ça s'appelle, Pour le meilleur et pour le punk. Le morceau, c'était Robot. Les prostitutes après ça avec Je veux danser avec toi. Et on vient d'écouter du Riot Gun de leur album Nécrophonisme. C'était le morceau Anxiété. On continue maintenant avec Raymond et les Blancs Becs, le morceau Clichy Saint-Lazare de leur album Tout le monde à l'usine. Alors voici Raymond et les Blancs Becs à Sous Pression. Yeah! laisser les mensonges mentir. Je la veux, je la veux, je la veux. Moi seul, laisser les mensonges mentir. Laisser les mensonges mentir. Je la veux, je la veux, je veux vous. Moi seul, elle veut toujours dire. Il reste au pied du mur. Même de chine, regardez par terre. Protégez vos yeux de cette lumière. Laissez les mensonges mentir, laissez les mensonges mentir, je la veux, je la veux, j'aime pour moi seul, laissez les mensonges mentir, je la veux, j'aime pour moi seul. La veille du renversé, il mit ses mains à ses yeux, pouvait rien y faire. Protégez vos yeux de cette lumière, plus rien y faire. Par la froidure de toutes ces mains fêtes pour s'unir, mais qui préfèrent encore se fuir. Quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense, non, le temps n'est pas sur rien. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en reste, moi je fais semblant d'y croire. À ce naufrage, au fond de vos mémoires, ne payable espoir. Salut, on vient écouter du Gris à poubelle de leur plus récent album, La Nausée. C'était le morceau Les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlé. Du Amnésie avant ça, le morceau Déchirure de l'album Grabuge, Les Parias avec Protégez vos yeux de cette lumière, tiré de l'album La Nuit des Lombiers. Avant ça, on écoutait, en fait, on a commencé le bloc avec du Raymond de Les Blancs-Becs, le morceau Clichy Saint-Lazare de l'album Tout le monde à l'usine. Alors, on est rendu à mi-chemin de l'émission, là. Je vous rappelle, il y a Facebook, facebook.com/sous-pression. Courriel info à commercial, souspressionpunk.com, bien sûr, si vous voulez envoyer des commentaires, demandes spéciales, partager de la musique. Allez-y fort. Évidemment, il y a le site web souspressionpunk.com. Alors, allez checker ça. Allez vous explorer l'internet pour trouver toute la présence de sous-pression sur le web. Et c'est ça, là on continue la musique, bloc sono mondial, le moment où à chaque semaine on explore un peu les scènes musicales de punk un peu partout dans le monde. Cette semaine on s'en va au Pérou et on retourne dans le temps de 50 quelques années. Le groupe Los Psychos, c'est un groupe qui a, dans, je pense que c'est comme 1964, ont commencé à sortir de la musique. C'est de la musique un peu surf rock avec un petit côté de punk du monde. Si vous lisez des articles à propos d'eux, du monde qui vont dire, hey, qui vont se demander si c'est le premier groupe de punk, le punk c'est né au Pérou. Je sais pas, je vais pas tenter de répondre à ces questions-là, je m'en fous un peu, mais c'est de la bonne musique. Los Psychos, je vais faire jouer deux de leurs morceaux. Je vais jouer le morceau Demolition et le morceau Camisa de Fuerza. Du vieux rock du Pérou des années 60, voici Los Psychos à sous-pression. Thank you.

C'était Los Psychos avec Démolition, ni Camille sur des foires. On continue maintenant avec les Breastfeeders et La Fille dans la vitrine. Yeah.

Salut, on vient d'écouter du Esclave Salarié, le morceau La Red Light de leur album Et un problème s'ensuit. L'attraction avant ça avec Kern, Désert culturel avec Trois têtes, Barricade mentale, le morceau K.O. Montréal, Mauvaise graine avant ça avec Des bombes sur Disneyland, Du banlieue rouge avec Olaf, Faux départ de leur démo, c'était le morceau TV Panic. Et on a commencé le dernier bloc avec les Breastfeeders et le morceau La fille dans la vitrine de leur album Dans la gueule des jours. Alors c'est ça, c'est la fin de l'émission. Je vous laisse avec un dernier morceau de Poésie Zéro. Faire jouer le morceau le dimanche. Parce que pourquoi pas, le dimanche, comme ils vont dire dans la chanson, un jour où on s'emmerde. Et je vais vous laisser avec ça. Passez une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Voici du Poésie Zéro.